The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To book. Réserver. Discount. La réduction. Choice. Le choix. House wine. La cuvée du patron. To include. Comprendre. Reasonable. Raisonnable. Well famous. Réputé. House gift. Le cadeau de la maison. Now, a bit faster. To book. Réserver. To include. Comprendre. Discount. La réduction. To book. Réserver. House gift. Le cadeau de la maison. Reasonable. Raisonnable. House wine. La cuvée du patron. Choice. Le choix. Well famous. Réputé. To include. Comprendre. House gift. Le cadeau de la maison. To book. Réserver. Discount. La réduction. Well famous. Réputé. To book. Réserver. Discount. La réduction. To book. Réserver. Now, use the words in context. Réserver. I've reserved a double room at the Ritz. J'ai réservé une chambre double au Ritz. Le choix. In accepting this job, you'll be making a good choice. En acceptant ce travail, tu as fait le bon choix. La cuvée du patron. This white wine is delicious. Is it the house wine? Ce vin blanc est délicieux. C'est la cuvée du patron? Le cadeau de la maison. You ordered a lot tonight. The owner wants to offer you a bottle of Manzana on the house. Vous avez beaucoup consommé ce soir. Le patron vous offre une bouteille de Manzana, cadeau de la maison. Comprendre. This price doesn't include the VAT. That's why it's so attractive. Tiens, je te donne ces boucles d'oreilles, cadeau de la maison. La cuvée du patron. This white wine is delicious. Is it the house wine? Ce vin blanc est délicieux. C'est la cuvée du patron? Comprendre. This price doesn't include the VAT. That's why it's so attractive. Tiens, je te donne ces boucles d'oreilles. Cadeau de la maison.